Explique ou sa mwen ta fè. Ta bo sou ti bouchou, karese ti vantou. Yeah. Parol mwen yo pa ase klèr. Pou m'expose dezi mwen yo. Ta fò pè di soufou, rele an mwen yo. Yeah. Chak fwa m'tan de vwa. C'est un coup bon Dieu qui a parlé et pour m'entendre.